Le Nouveau Monde. Je m'appelle Squeak. Je suis un Bifewish, un gnome des profondeurs. Je n'étais qu'un simple creuseur, un ouvrier de chantier qui creusait pour élargir les tunnels. Et les rats sont arrivés. Étranges rats cruels, menés par Ratis, le rat borgne à l'œil rouge vif. Que voulait-il? Notre ville? Wish City? Non. Notre technologie. Pour quelle raison? Se venger des hommes qui les avaient jadis emprisonnés et utilisés comme cobayes. Puis il y eut Mila, la fille de notre grand dirigeant. Puis il y eut Booz, Mila et moi contre les rats. Et l'arrivée dans le Nouveau Monde. Et là, tout s'entrechoquait dans ma tête. Tu crois que ça va être long? Je sais pas, Booz, j'y suis jamais allé au laboratoire, moi. Mila avait été mordue par un rat et restait entre la vie et la mort dans la cité d'Éole. Et une maladie rongeait son corps. La maladie des rats. Tout nous ramenait au laboratoire des hommes, à leurs expériences. Là-bas, nous aurions peut-être des réponses. Là-bas, nous aurions peut-être LA vérité sur les rats, sur Ratis. Accompagnés de Bander, une chauve-souris, nous avancions dans la forêt. Le jour se levait, et Mila avait besoin de nous. Dites les gars, on fait une pause, on marche depuis ce matin. Squeak. Faut continuer. J'écartais les brins d'herbe avec un petit bout de bois. Le soleil brillait haut, au-dessus des arbres. Squeak, j'ai mal aux jambes. Je me suis retourné, Booz et Bender s'étaient assis sur un rocher. La chauve-souris se massait les pattes. Moi j'ai pas l'habitude de marcher comme ça, moi. Mila a pas mal aux jambes, elle. Elle peut pas attendre plus longtemps. Si on n'avance pas, on risque de pas revenir à temps pour la sauver. Squeak, moi aussi je veux que Mila elle vive. Mais ça sert à quoi de se fatiguer inutilement? Il faut reprendre des forces. J'ai faim, j'ai mal aux jambes. Faut se reposer. Mais... Squeak, je n'avancerai pas plus loin. Pas tout de suite. Il avait raison. Mieux valait garder nos forces. Je les ai rejoints. Je vais cueillir des trucs à manger. Bougez pas, je reviens. Booz? Oui? Fais attention, il y a peut-être des rats dans le coin. T'inquiète, je ferai gaffe. Booz s'est éloigné, disparaissant derrière les brins d'herbe humides. J'ai baissé la tête. Je pensais à Mila. Les rats... Tout ça a été leur faute. Sans eux, nous n'aurions jamais dû quitter Wish City, notre monde. Sans eux, nous n'aurions jamais autant souffert. Le temps se couvre, mais il y a toujours le soleil qui revient après. Hein? Non, je dis que quand le temps se couvre, il y a toujours le soleil qui revient après, d'une manière ou d'une autre. Bender baissait les yeux sur moi. Il faisait le double de ma taille. Ouais. Je veux pas qu'on la perde, Bender, pas comme ça. Ouais, je comprends mal. Mais tu sais... Ouais, enfin, tu sais. Bender? What? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laboratoire? T'y étais, hein? Les yeux de Bender partirent dans le vague. Le temps se couvre, mais il y a toujours le soleil qui revient après. Nous échangeâmes un maigre sourire. Qu'est-ce que Ratis a pu subir pour être comme ça? Hé! Hey, j'ai ça! C'est bon, ça? Booz traînait derrière lui une sorte de grosse masse rose pleine de rondeurs. Hein? C'est bon, ça, ou pas? Waouh, une framboise! Tu l'as chopée où? Bah par là-bas. Il y en a plein là-bas, mais je suis trop petit pour en prendre plus d'une. Bender a sauté sur le sol et a rejoint Booz. Je les voyais, assis sur le rocher. Je les regardais, Bender tapant sur l'épaule de Booz. Les choses avaient bien changé. Hé, hey, je vais y aller et je vais en prendre plein, d'accord mon pote? Sans problème mon pote. Mon pote? Ouais, Booz et Bender étaient devenus amis. Bender avait sauvé Booz d'une mort certaine lorsqu'il sortit des galeries. Où étais-je à ce moment-là? Avec Mila. Booz avait vécu plus d'un mois sans voir aucun des siens, sans voir aucun Bifewish. Il s'approcha de moi en tirant la framboise pendant que Bender s'envolait. C'est cool! Il va nous en ramener plein d'autres! Moi j'ai un creux, ça va me faire du bien! Booz, t'avais raison pour la pause, ça va nous faire du bien. Ouais! Je suis descendu du rocher. Squeak! On arrivera au laboratoire. On trouvera un remède pour sauver Mila. Et on arrivera à temps pour la sauver. On y arrivera, Squeak. Ouais, on y arrivera. Nous partîmes une heure plus tard, Bender menant la marche. Bifewish.